je t'aime. Quand tu me parles comme ça, qu'est-ce que je t'aime. Quand tu es près de moi, j'ai envie de voguer la nuit avec toi, ah. Dans un lit où l'océan m'emportera, ah. Je sais pas comment résister à tous ces délires. Pourtant je veux dériver ton navire. Tu n'osais pas me caresser, t'as peur de rougir. Tes yeux laissent deviner un désir. Qu'est-ce que je t'aime quand tu me parles comme ça. Je t'aime quand tu es près de moi. J'ai envie de voguer la nuit avec toi, ah. Dans un lit où l'océan m'emportera, ah. Qu'est-ce que je t'aime ?